Chapitre 30e. Quand Dournov se trouva seul dans l'appartement désert, il a parcouru toutes les pièces lentement, comme pour se rendre compte de ce qu'il voyait. Partout la trace d'un luxe plus brillant que de bon goût. Partout aussi les marques laissent la main négligente des serviteurs mal surveillés. Sauf le cabinet du président, où la Niania s'était réservé le droit de tout mettre en ordre, le riche ameublement préparé pour recevoir la jeune mariée était gaspillé, profané et dénonçait l'incurie de la maîtresse du logis. Dournov regarda tout cela d'un air tranquille. Cet aspect n'était pas nouveau pour lui, et s'il s'y arrêtait aujourd'hui, c'était avec l'œil du juge d'instruction qui réunit les pièces de conviction. Oui, Marianne, qui fuyait à l'étranger avec un homme sans la moindre valeur morale ou intellectuelle, Marianne, était sous l'œil de son juge, et ce juge prononçait sur elle la plus terrible condamnation. Il l'avait aimée, cette jeune frivole, cette femme indigne, cette mère sans l'amour maternel. Il l'avait aimée. L'avait-il bien aimée? Le souvenir de l'amour qu'il avait eu pour Antonine, poignant et aigu comme un remords, passa dans son âme ulcérée. Non, certes, il n'avait pas aimé Marianne de cet amour profond, qui fait partie de nous-mêmes, où le respect se mêle à la tendresse, où l'on craint plus de déplaire à l'être qu'on aime que d'encourir la disgrâce des souverains. Ce n'est pas ainsi qu'il avait aimé Marianne. Dournov essaya alors de se rappeler la façon dont il s'était conduit vis-à-vis de sa jeune épouse. « L'ai-je trop gâté, trop choyé ?» se demanda-t-il, en interrogeant sévèrement les replis de sa conscience. « Ai-je été un époux trop indulgent ? Ai-je été un époux trop sévère ?» Il repassa dans sa mémoire les scènes des premiers temps, où les fantaisies arbitraires, les bouderies de Marianne, traitées par lui comme les erreurs d'une enfant chérie, étaient blâmées avec douceur, réprimées avec mesure. « J'ai agi comme je le devais, » pensa l'époux offensé. « C'est donc elle qui est coupable, elle seule. Irais-je la poursuivre ? Faut-il la forcer à rentrer au foyer qu'elle a souillé ? Quel visage lui ferai-je, grand Dieu ? Et de quelle façon accueillerai-je à son retour l'épouse que la force, et dont le repentir, ramène auprès de moi ?» Dournov frissonna d'horreur à la pensée que cette femme, qui déshonorait son nom, pourrait encore se présenter à sa vue. En effet, un jour, lasse de courir le monde, lasse de porter le poids d'une situation inavouable, Marianne pourrait rentrer au logis. Elle pourrait venir pleurer à ses pieds, implorer son pardon, parler de ses enfants. Que ferait-il lui, Dournov, contre les larmes de cette créature insensée qui ne savait vouloir ni le bien ni le mal? La chasserait-il? Mais alors, elle pourrait l'accuser de la rejeter dans le vice, l'accueillir. Quel opprobre que de respirer le même air que cette femme menteuse et adultère. Il rentra dans son cabinet. La chambre de Sophie, noire et vide, avait donné un autre cours à ses pensées. Qu'allait devenir sa fille au berceau, cette innocente, destinée à grandir auprès de sa mère indigne? Pauvre petite. Son avenir entier allait être brisé par celle qui aurait dû la protéger. Faudrait-il que son âme virginale fût ternie dans sa fleur par les propos du monde? Devrait-elle mépriser sa mère ou succomber comme elle? Dournov, accablé, ne vit plus de bornes à son désespoir. De quelque côté qu'il se tourna, il ne voyait aucun rayon. L'opinion publique, dont il faisait peu de cas pour lui-même, lui paraissait écrasante lorsqu'elle menaçait ses enfants. Il resta immobile, les mains serrées l'une contre l'autre, s'enfonçant les ongles dans la chair sans le sentir, tant sa douleur morale dépassait l'autre. Il leva les yeux au ciel, peut-être, pour pousser quelques clameurs désespérées, et son regard rencontra le portrait d'Antonine. « Ah ! S'écria-t-il, chère adorée, ma faute est envers toi. Je ne devais pas admettre une étrangère dans le sanctuaire de mon cœur, qui t'était consacré. Après t'avoir aimé, je ne devais plus aimer que mon devoir. Je devais vivre pour l'humanité souffrante, que nous avons rêvé de consoler ensemble. J'aurais dû rester pauvre. J'aurais dû mépriser les honneurs et les dignités qui m'ont tourné la tête. Sorti du peuple, je devais me consacrer à lui, et puisque Dieu n'avait pas permis à ta bonté et à ta sagesse d'illuminer ma vie, je devais me croire condamné à la solitude, accepter cet arrêt. Je devais vivre et mourir seul. » La Niania entra sans bruit et vint se placer en face de son maître. « Que veux-tu ? » demanda Dournov. La vieille femme s'inclina respectueusement devant lui. « La maîtresse est partie, » dit-elle. « Je viens prendre tes ordres. Pourquoi ? Que ferons-nous de ces effets ? Rien, répondit péniblement Dournov, rien du tout. Il faut alors les ranger et les mettre dans des caisses. Oui, comme tu voudras. Le silence régna, lourd et cruel, comme dans l'attente de la mort. Maître, reprit la vieille servante, tu es triste? Dournov éclata d'un rire amer. Veux-tu que je me réjouisse? Tu as peut-être raison, car à coup sûr, rien n'ira désormais plus fâcheusement qu'avant. La Niagna secoua la tête. « Tu parles mal, » répondit-elle. « Tu ne sais pas te soumettre à la volonté de Dieu. »« C'est vrai, » s'écria Dournov. « Je ne sais pas me soumettre. »« Mais aussi, pourquoi ce coup après l'autre? Pourquoi de ces deux femmes est-ce l'ange qui a succombé et le démon qui vit et qui vivra pour mon malheur et celui de mes enfants ?»« Tu blasphèmes, mon maître, » dit sévèrement la Niagna. « Les voies de Dieu sont impénétrables. »« Soit, » répondit Dournov. « Mais vois-tu, Niagna, lorsque je pense à Antonine, je ne puis comprendre comment j'ai épousé Marianne. » La Niagna inclina gravement la tête. « Notre Antonine était un ange, dit-elle, et cependant elle a péché contre le ciel, en recherchant la mort avant son temps. Vous êtes impatients, vous autres jeunes gens, vous ne savez pas supporter la douleur. Vous voulez que la vie soit toujours rose et gaie, et lorsque le malheur vient, au lieu de le recevoir comme une épreuve destinée à vous rendre meilleur, vous vous enfuyez comme des enfants peureux. Il faut être homme, accepter la vie telle que Dieu la donne et s'y soumettre. « Quand on le peut, » murmura Dournov. « Oh, Antonine, j'aurais été si heureux avec vous. » Dournov connut alors une douleur plus âpre, plus amère encore que toutes les anciennes douleurs. Le chagrin d'avoir perdu Antonine devenait d'autant plus cruel qu'il comparait le passé au présent. Peu à peu, le présent lui devint intolérable. Il cessa de s'occuper de ses propres affaires, réservant tous ses soins pour son tribunal. Son fils Serge lui-même ne parvenait guère à le distraire. L'enfant, resté délicat, était sujet à des attaques fréquentes de la terrible maladie qui ne cessait de le menacer. L'existence du malheureux père s'écoulait donc ainsi entre la crainte de perdre son fils et celle de revoir revenir sa femme. Ce fut la seconde qui se réalisa. 3 ans après la fuite de Marianne, il se vit annoncer une femme simplement mise qui conduisait une petite fille de 4 ans à peine. Admise dans le cabinet du président, cette femme tira une lettre de sa poche et la présenta à Dournov, qui reconnut à la fois l'écriture de Marianne et la nourrice de Sophie. Avant de lire la lettre, il regarda l'enfant. La ressemblance de cette petite avec son frère n'était pas très frappante, mais Dournov reconnut ses yeux à lui-même et les boucles de cheveux qui garnissaient autrefois son front, maintenant presque chauve. « Sophie ? » dit-il. La petite s'avança et le regarda avec confiance. « Sophie, » dit-il encore, « sais-tu que je suis ton papa ?» L'enfant secoua la tête. « Mon papa était là-bas, » dit-elle, « mais il y a longtemps qu'il est parti. »« Ne dites pas de bêtises, mademoiselle, » interrompit la nourrice. « On vous a dit que vous alliez voir votre papa. C'est le président qui est votre père. » Dournov attira à lui la petite fille et l'embrassa avec tendresse, avec pitié, le cœur plein de larmes à la vue de cette innocence déjà souillée, qui serait souillée quand l'enfant, devenu une grande lettre, se souviendrait du passé, contenterait vainement de lui faire oublier. La nourrice tendait toujours au président la lettre qu'il évitait de prendre. Elle la déposa devant lui sur le bureau. Après une longue hésitation, il finit par l'ouvrir. La petite fille le regardait, les yeux pleins d'étonnement, et le père infortuné retrouvait dans les regards, dans les gestes, dans les grâces même du sourire enfantin, la ressemblance fatale qui devait faire de cet enfant une seconde Marianne. Le geste était déjà maniéré, le regard manquait de franchise. C'était une petite femme que Dournov avait sous les yeux, une de ses enfants précoces qui se font des mines aux Tuileries en singeant les amis de leur mère, et hélas, leur mère elle-même. Dournov poussa un profond soupir, baisa tristement les boucles blondes de sa fille et lut la lettre. « Et j'ai ouvert les yeux sur ma faute, » disait Marianne, « et je vous envoie votre enfant en messagère de paix. Vous ne refuserez pas à cette innocente le pardon de sa mère coupable. Je voudrais rentrer sous votre toit, et j'y mènerai désormais la vie d'une bonne mère de famille. » Ici, Dournov sourit amèrement. « Je comprends ce qu'une réponse vous coûterait, » continuait cette singulière épître. « Aussi, je considérerai votre silence comme une autorisation à rentrer chez vous. Ne continuons pas à donner au monde le spectacle d'un ménage désuni. Je vous ai tendrement aimé, et si vous voulez me pardonner, nous pourrons encore être très heureux. » N'obtenant aucune marque d'approbation ou de réprobation, la nourrice dit doucement, « Eh bien, monsieur, qu'ordonnez-vous que l'on fasse ?» Dournov tressaillit comme sortant d'un rêve. « Allez à votre ancienne chambre, dit-il, vous resterez ici. » Il embrassa encore une fois la petite fille, et lorsqu'elle eut disparu, il se leva et parcourut longtemps son cabinet de long en large. Heureux, heureux ensemble, quelle triste ironie! Pensait-il en marchant d'un pas lent et mesuré comme le balancier d'une horloge. Heureux, dans une union souillée par l'infamie, avec le souvenir du passé entre elle et moi, avec une image adultère entre nous au foyer conjugal. Elle pourrait l'oublier, elle. Elle pourrait peut-être éprouver encore pour moi le genre de passion légère et superficielle que son âme frivole est susceptible de ressentir. Elle serait heureuse, mais moi. Il s'arrêta, regarda vaguement par la fenêtre, puis reporta ses regards autour de l'appartement et s'arrêta devant le portrait d'Antonine. Voilà le bonheur, se dit-il. Le bonheur, c'était de ne plus voir ici cette femme que je hais. C'était de vivre paisiblement avec la Niania et mon Serge. C'était d'oublier qu'il était au monde d'autres êtres m'appartenant que ces deux âmes qui m'aiment uniquement. C'était de vivre à trois sous le soleil d'Antonine, qui nous regardait avec complaisance et qui daignait nous sourire d'en haut. Oui, depuis que je t'ai perdue, ma chère protectrice, je n'étais heureux qu'ici, pendant que dans le recueillement de ma vie intérieure, j'écoutais les conseils que tu donnais à ma conscience. Et maintenant, Antonine, qu'ordonnes-tu? Faut-il chasser de mon seuil cette femme, ma pire ennemie? Faut-il lui faire place, et par respect pour ses enfants en bas âge, étouffer mes sentiments d'aversion et de dégoût? À l'idée de retrouver Marianne en face de lui, de voir revenir dans sa maison, désormais grave et silencieuse, égayée seulement par les cris joyeux de Serge, la foule bruyante et dissipée qui l'assiégeait autrefois, Dournov sentit le cœur lui manquer. « Je ne peux pas !» s'écria-t-il en tournant ses mains désespérées. « Il le faut pourtant, » lui disait sa conscience. « Comment refuser à cet égaré le seul moyen qu'il reste de revenir à la vertu? Comment retirer ce brin de paille à une âme en détresse? Dormirais-tu tranquille si tu pensais que tu as rejeté au gouffre du vice l'épouse qui porte ton nom, la mère de tes enfants, lorsque tu pouvais la sauver en lui ouvrant la porte? « Eh bien non, je ne puis pas, » répéta Dournov, « c'est au-dessus de mes forces. » Après avoir médité longtemps, il prit une résolution soudaine et se rendit à la chambre de son fils. Les deux enfants jouaient déjà ensemble sur le tapis, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. « Niania, » dit Dournov, « viens ici. » La Niania obéit et suivit son maître dans le cabinet. « Sais-tu que ma femme veut revenir ?» demanda brusquement le président. « La nourrice vient de me le dire, » répondit la vieille femme en baissant la tête. « Où est-elle ? À Varsovie. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle attend que tu lui permettes de revenir. Et si je refuse ?» La Niania regarda son maître d'un air tout surpris. « Comment pourrais-tu lui refuser ? » demanda-t-elle. « N'est-elle pas ta femme ?» Dournov, surpris à son tour, examina plus attentivement la vieille bonne. Elle avait l'air morne, mais non révoltée. Celle-ci connaissait la patience et la résignation. « Mais, reprit-il, tu sais que j'ai à me plaindre d'elle. Nul n'est sans péché, mon maître, » répondit l'humble servante. « S'il a envie de bien faire, tu dois lui permettre d'essayer. Et si elle recommence ?» La Niania fit le signe de la croix. « Que Dieu nous préserve d'un semblable malheur, » dit-elle. « Pourquoi appelles-tu le mal sur ta maison ? Elle ne tombera pas deux fois dans la même faute. Et si elle y retombe ?» insista Dournov irrité. « Tu veux en savoir plus long que l'Esprit Saint ?» dit la Niania d'un ton de reproche. « Ce n'est pas bien !» Dournov se tut pendant quelques instants. « Alors, » dit-il ensuite, « tu veux qu'elle revienne ?»« Elle doit revenir, » fit la conscience loyale de la Niania. « Tu ne l'aimes pourtant guère, toi qui veux la ramener ici, et elle t'aime encore moins. C'est vrai, maître, mais tu m'as promis que je ne quitterai pas notre Serge, et d'ailleurs elle doit revenir ici, c'est la place que Dieu lui a donnée. » Dournov fit un geste de la main grave et triste. La Niania le comprit et sortira. Ce jour-là, le président oublia de dîner. Les récits de Serge, enchanté de sa petite sœur toute extraordinaire et toute mondaine, pour lui accoutumée à la solitude, ne purent distraire le père de sa rêverie soucieuse. Sa lampe brûla bien avant dans la nuit, et enfin, Lassé de combattre, il céda et écrivit : Vous pouvez revenir.